Bonjour à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Jazz Time, sans notre ami Gérard qui, cela lui arrive de temps à autre, m'a confié les clés du studio ici à Déclic, merci à lui. Alors, l'actualité discographique est vraiment très riche là depuis la rentrée, je vous cache pas que faire une petite sélection parmi tous les disques reçus n'est pas une mince affaire et je dois présenter par avance toutes mes excuses aux musiciens et musiciennes dont j'ai dû écarter les productions aujourd'hui. Alors on va dire que ce sera pour une autre fois. Voilà pour cette première petite mise au point avant de commencer. Je m'appelle Denis Desassis, je fais partie de l'équipe de rédaction du magazine Citizen Jazz et c'est avec un grand plaisir que je vais passer cette heure en votre compagnie à la découverte de 7 disques tout aussi intéressants que différents. C'est là toute la diversité de ce qu'on appelle le jazz. Et nous allons commencer ce premier Jazz Time de novembre par un duo que les Lorrains, vous donc, connaissent bien puisqu'il se compose du pianiste Cédric Henriot, alors qui est natif de Pont-à-Mousson, et du batteur Franck Agulon qui, lui, habite Pont-à-Mousson, même si ses origines sont plutôt méridionales. Alors on va les appeler, si vous me passez cette expression, les régionaux de l'étape. Alors tous deux se connaissent depuis longtemps. On retrouvait par exemple Franck Agulon au générique du disque de Frogenstein, le groupe formé par Cédric Henriot et Bertrand Berruard. C'était il y a une douzaine d'années avec un album qui s'appelait Electrify My Soul. Et puis les années ont passé, les deux musiciens ont suivi leur propre parcours. Henriot est allé se former du côté de la Berklee School of Music. Il en est revenu notamment avec l'album French Stories, entouré de quelques célébrités américaines. Tout récemment, il est venu se produire à Metz, retrouvant ainsi Bertrand Berruard pour le projet musical et multimédia Polaroid Songs. Occasion pour notre ami Gérard de le rencontrer, de l'interviewer au début du mois d'octobre pour Jazz Time, bien sûr. Quant à Franck Agulon, il est devenu l'un des batteurs les plus recherchés de la scène jazz française et on a pu le voir évoluer aux côtés notamment de Pierrick Pedron, Pierre de Bettman ou encore Eric Lénigny. Agulon se produit seul aussi parfois dans le cadre d'un projet nommé Solistix et il a publié récemment une méthode de batterie. Voilà, alors ces deux amis sont réunis sous le nom de KS2, alors K pour Keyboards, les claviers en anglais, S pour Sticks, les baguettes, et 2 pour 2 comme dans un duo. Et voici un album intitulé Day qui se présente comme un voyage au fil d'une journée. Cédric Henriot est au piano bien sûr, mais aussi au synthétiseur basse, aux effets sonores, à l'ordinateur et au vocodeur. Quant à Franck Agulon, il est à la batterie, instrument qu'il enrichit de différents accessoires pour en modifier le son. Voilà, c'est un duo que nous avions pu écouter voici quelques mois à la MJC Desforges chez notre ami Benoît Brunner. La musique de K.S. Elle évolue aux confins du jazz, de l'électro, de l'ambiante et c'est un univers sonore assez hypnotique qui se dessine au fil des 9 compositions qui forment cet album qui paraît aujourd'hui même sur le label Morphosis Arts. Je vous propose d'écouter une composition qui s'intitule Family Life, c'est-à-dire la vie de famille, et si Franck Agulon et Cédric Henriot n'ont à ma connaissance aucun lien de parenté, ils font toutefois partie de la même famille, celle de la musique en général et du jazz en particulier. On écoute le duo KS2. C'était Family Life, extrait de l'album Day, enregistré par le duo KS2, soit Cédric Henriot et Franck Agulon. Alors passons maintenant à un visage du jazz très différent, celui du tromboniste suisse Samuel Blaser. Alors j'avais déjà évoqué ici même Samuel Blaser il y a un peu plus de 2 ans, à l'occasion de la sortie de son album Spring Rain. Alors pour résumer, ce musicien très prolifique, on pourrait dire qu'il est un avant-gardiste, curieux de toutes les musiques, et quand on se penche sur sa discographie des 7 ou 8 dernières années, on se rend compte qu'il est capable de revisiter la musique de Guillaume de Machaut, comme celle de Monteverdi, ou alors de se confronter à des expériences plus free, notamment celles qui l'ont conduit à travailler avec le guitariste Marc Ducret. Alors Samuel Blaser, c'est un musicien qui est à la fois sensible à la qualité des mélodies, mais qui cherche aussi à élargir le champ musical, si j'ose dire, de son instrument et à se libérer des contraintes. Alors il a fait du trombone un instrument total et il est capable d'en exploiter toutes les possibilités, aussi bien mélodiques que rythmiques. Alors, cette fois, aujourd'hui, Samuel Blaser a un coup de blues. Non pas qu'il soit triste, hein, bien loin de là, mais il a voulu célébrer le blues, celui des origines, en compagnie d'un groupe assez exceptionnel, qui est composé de Ross Lossing au clavier. Alors, ce dernier était déjà présent sur Spring Rain, le précédent disque. Il y a également Masako Kamaguchi à la contrebasse et Jerry Hemingway, autre compagnon de longue date, Hemingway étant à la batterie. Et pour que la fête soit plus belle encore, Samuel Blaser a fait appel sur plusieurs titres à 2 musiciens prestigieux, le saxophoniste Oliver Lake et le trompettiste Wallace Roney. Alors avec de tels compagnons, on imagine bien que Early in the Morning, alors puisque c'est le nom du disque qui voit le jour chez Outnote Records, bien ce disque est une réussite, et si Samuel Blaser signe lui-même quelques compositions, le disque c'est aussi pour lui l'occasion de revisiter des thèmes de blues issus de ce qu'on appelle les work songs, des chants traditionnels, mais aussi de la musique country ou folklorique anglaise et irlandaise. Mais attention, c'est une relecture à la manière de Samuel Blaser, et on sait que le tromboniste est capable de toutes les transformations. Résultat réjouissant donc, et partant du principe que les actes valent toujours mieux que les paroles, je vais laisser sans attendre la place à Samuel Blaser avec Levy Camp Moan Blues, dont on peut retrouver en cherchant un peu une version de 1927 par Texas Alexander et Lonnie Johnson. Et cerise sur le gâteau, les invités Oliver Lake et Wallace Roney sont présents sur ce titre. On écoute Samuel Blaser et Levy Camp Moan Blues, extrait de Early in the Morning. Thank you. Alors après le blues transformé par le tromboniste Samuel Blaser et son disque Early in the Morning, je vais maintenant vous proposer de découvrir Moving People, le nouvel album de Ricardo Del Fra. Alors le contrebassiste qui fut entre autres et nombreux faits d'armes pendant près de 9 ans l'accompagnateur de Chet Baker, à qui il avait d'ailleurs consacré son disque précédent intitulé My Chet, My Song, c'était en 2014 je crois. Eh bien le contrebassiste est entouré d'un très beau sextet qui réunit, alors sextet international de surcroît. Il réunit les Français Rémi Fox au saxophone, soprano et baryton et Karl-Henri Morisset au piano, le saxophoniste allemand Jan Prax, le trompettiste polonais Thomas Dabrowski et le batteur américain Jason Brown, auquel vient s'ajouter sur quelques titres le guitariste américain lui aussi Kurt Rosenwinkel. Alors un casting donc international comme on le voit, et un fil rouge, celui des peuples en mouvement à la recherche d'une autre vie, d'une vie meilleure et de moins de souffrance. Alors voilà donc une musique qui est en prise directe avec notre actualité si souvent tragique, musique qui est presque figurative à certains moments, en ce sens qu'elle parvient à suggérer des images. Alors celle d'un enfant mort sur une plage, hein, comme ressac, de migrants traversant la mer, c'est The Sea Behind, de scènes de guerre, Children Walking Through a Minefield, avec toujours l'espoir d'accéder un jour à un monde plus serein. C'est la composition au titre italien Cieli Sereni, et avec tout cela, le disque est la suite naturelle de Hoffnung. C'était un projet élaboré en 2016 à l'initiative de la Fondation Gesnagen de Berlin et dont le thème était déjà celui de l'espoir. On trouvait aussi dans ce projet Dabrowski, Morisset et Prax aux côtés de Ricardo Del Fra. Alors toutes les compositions du disque sont signées par le contrebassiste qu'on est vraiment heureux de retrouver ici dans ce qu'on pourrait qualifier un état de grâce, tant la richesse des thèmes, l'exigence de leur construction et de leurs arrangements, la virtuosité aussi des interprétations ne viennent jamais remettre en cause la fluidité de la musique, ni même sa dimension poétique. Et le tout est servi par une formation vraiment séduisante. Moving People est un disque d'une grande force lyrique qui est comme enluminé par les interventions des solistes, et en particulier celle de Kurt Rosenwinkel, l'invité. Alors Moving People est sorti le 19 octobre chez Crystal Records. Il se présente à mon sens comme une des plus belles réussites de celui qui est par ailleurs responsable du département jazz et musique improvisée au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, mais Ricardo Del Fra, dont la volonté de décloisonnement entre jazz, musique classique et contemporaine est affirmée de longue date, eh bien Ricardo Del Fra rappelle qu'il est d'abord un musicien inspiré et inspirant. Alors je vous propose d'écouter la composition qui a donné son titre à l'album, Moving People, avec entre autres la présence magnétique de Kurt Rosenwinkel à la guitare. On écoute Ricardo Del Fra. Thank you. La belle musique de Ricardo Delfra et son Moving People et un invité de marque, le guitariste Kurt Rosenwinkel. Et si la recherche mélodique et la richesse des arrangements sont au cœur de la musique du contrebassiste, alors il en va tout autrement du côté d'un duo très singulier que je vais maintenant vous présenter. Deux musiciens et des instruments à cordes exclusivement pour un dialogue en liberté plein de surprises. Ces cordes sont celles de la guitare électrique de David Chevalier et du violoncelle de Valentin Secaldi. Alors tous deux ont donné naissance à une conversation improvisée en noir et blanc qu'ils ont intitulée Zèbre, zèbre au pluriel. Avec en arrière-plan cette question vraiment fondamentale, le zèbre est-il un animal blanc à rayures noires ou bien un animal noir à rayures blanches? Bon, je vous laisse 2 heures et puis je ramasse les copies par la suite. Voilà. Alors une drôle de bête dont René Char disait, peut-être pour mettre tout le monde d'accord, l'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Oui, c'est vrai, quand on y réfléchit, il a bien raison. Alors Zèbre, c'est un disque en 2 parties. La première décline le noir en 3 mouvements et la seconde le blanc en 4 mouvements. Voilà, chaque titre étant l'anagramme du mot noir ou du mot blanc. Vous me suivez? Non, bah, c'est pas trop grave. L'important, c'est la musique et puis rien d'autre. Voilà. Et comme le dit mon camarade Franpi Barrio dans Citizen Jazz au sujet de ce disque, je le cite, hein, j'ouvre les guillemets. Les paysages sonores visités par le duo sont bigarrés et vivants, même s'ils évoquent parfois l'aridité du désert ou des plages monochromes. Comme l'animal qu'ils incarnent, Secaldi et Chevalier sont fougueux et contrastés. Le résultat est parfois rugueux, mais c'est toujours un respect mutuel qui nourrit un album publié sur le label Ayler Records, qui suit la carrière de Valentin Secaldi depuis très longtemps déjà. Voilà, c'était pour la citation de mon camarade de Citizen Jazz. Et puisqu'il est question d'Ayler Records, ce beau label sur lequel veille depuis pas mal d'années Stéphane Berland, je voudrais quand même signaler que sa production va bientôt cesser après tout ce temps passé à publier de magnifiques disques, souvent exigeant et rebelle. Je voudrais signaler en particulier l'une des dernières publications d'Ayler Records. C'est un disque qui s'appelle Chez Hélène et qui est un duo improvisé entre le guitariste Marc Ducret et la contrebassiste Joël Léandre. Je vous recommande ce disque qui s'appelle donc Chez Hélène. Alors bien sûr, le catalogue existant d'Ayler Records continuera d'exister sur son site internet, mais c'est vrai qu'il est toujours un peu désolant de faire le constat de la cessation d'une activité aussi riche et surtout nécessaire. Puis voilà, c'était aussi pour moi l'occasion de saluer Stéphane Berland qui a eu la gentillesse de me faire découvrir beaucoup de très belles choses depuis plusieurs années. Voilà, donc merci Stéphane et puis bon vent pour la suite. Voilà, alors il est temps maintenant d'aller à la rencontre de ces drôles de zèbres que sont David Chevalier à la guitare donc et Valentin Secaldi au violoncelle avec une composition intitulée, alors c'est quasiment imprononçable, alors je préfère les plaies, hein, O-I-R-N. Voilà, vous aurez noté que ce sont bien effectivement les lettres du mot noir, mais dans un autre ordre. Alors voilà, donc on va dire à cheval ou plutôt à zèbre. C'était la musique en liberté de David Chevalier à la guitare et Valentin Secaldi au violoncelle avec leur Zèbre fougueux. Oui, puisque leur disque s'appelle Zèbre et il est sorti le 16 août dernier chez Heller Records. Alors on ne va pas quitter Valentin Secaldi puisqu'on retrouve ce dernier au sein du trio In Love With, formé par le batteur Sylvain Darifour, qui est un trio dont le troisième membre est un autre. C'est qu'elle dit, le frère Théo, violoniste de son état et qui termine là, ces semaines, enfin actuellement, sa participation au sein de l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz, sous la direction d'Olivier Benoît, que je salue en passant. Alors je fais une petite parenthèse, le nouveau directeur de l'ONJ vient d'être nommé, c'est un autre guitariste, Fred Morin, qui va lui succéder et c'est un musicien qu'on connaît bien puisqu'il dirigeait jusqu'à présent une grande et belle formation nommée Ping Machine, qui va devoir cesser son activité parce que c'est incompatible avec la direction de l'ONJ. Voilà. Mais je reviens à In Love With avec son deuxième disque joliment intitulé Coitus Interruptus. Alors je vous épargnerai les explications sémantiques ou techniques. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Voilà. Alors Sylvain Darifour, quel personnage, batteur, comment dire, survolté, virevoltant, dont le jeu nerveux semble habité d'une frénésie qui semble ne jamais devoir s'arrêter, comme si sa musique ne pouvait pas prendre fin. Et puisqu'une folie, une seule folie, bah, c'est pas suffisant, celle du batteur se révèle très très contagieuse au point qu'elle contamine les cordes des frères Secaldi qui vont engager avec lui une course complètement folle durant 14 ou 15 plages sur le disque. Leurs instruments par nature harmoniques, hein, je parle du violon et du violoncelle, deviennent d'autres supports rythmiques et c'est comme à bout de souffle qu'on essaye tant bien que mal de les suivre. Alors Coitus Interruptus c'est à cet égard le digne successeur de Axel Erotique. Alors décidément la musique de Sylvain Darifour qui est de nature très charnelle, vous en conviendrez. Disque que le trio avait publié voici 2 ans et dont Citizen Jazz disait « Dès cette entame, en forme de course à l'abîme, on sait qu'on sera retenu jusqu'au bout car il y a de la musique tout le temps ». Et on se dit même parfois que ce n'est pas si compliqué que ça au fond. Un rythme, des harmonies qui s'enchaînent, une mélodie qui surgit et disparaît. Voilà, c'était une façon assez juste de résumer cette vie si particulière qui anime la musique de Sylvain Darifour. Alors, je dis ça en passant, Sylvain Darifour a été assez longtemps membre du groupe formé par Émile Parisien, hein, son quartet. Bon, il n'en fait plus partie, mais il a été de cette aventure pendant de longues années. Voilà. Dans l'extrait de Coitus Interruptus, vous pourrez même constater que la mélodie est quasiment absente et vous allez faire tout votre possible pour suivre le trio dans une course-poursuite infernale de 3 minutes 30. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti avec une composition intitulée Total Mescal propulsée par le trio In Love With de Sylvain Darifour. Et voilà, ils sont bien allumés, hein, les trois là. C'était le trio In Love With, emmené par le batteur Sylvain Darifourc et les frères Sekaldi avec Total Mescal, extrait de leur nouveau disque Coitus Interruptus, qui est paru chez Gigantonium. Je vérifie quand même mes sources. Oui, il est sorti le 12 octobre chez Gigantonium. Alors, changement d'ambiance maintenant, le climat va être beaucoup plus éthéré avec le nouveau disque du groupe PJ5 que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter ici même à plusieurs reprises. Alors, petit rappel historique, créé en 2010 à l'initiative du guitariste et compositeur Paul Jarret, d'où PJ. PJ5 se nourrit des nombreuses influences de son leader, qui imbrique assez subtilement jazz contemporain, alors celui de New York comme celui de l'école scandinave, et puis des sonorités rock, pop, teintées d'électro qui parsèment toute cette musique. Après un premier EP, comme on dit, qui s'appelait Floor Dance en 2011, PJ5 avait publié Word en 2013 et Trees en 2016. Alors, bonne nouvelle pour Paul Jarret et ses petits camarades, PJ5 a eu l'honneur d'être lauréat du dispositif d'accompagnement Jazz Migration, qui est organisé par l'association Jazz Croisé, AJC. Alors, pour vous résumer ce dispositif, on dira qu'à l'issue de la phase d'accompagnement, les lauréats présentent un set de 30 minutes chacun à l'occasion du concert d'inauguration à Paris, avant d'entamer leur tournée Jazz Migration, la deuxième année du parcours. Alors, chaque groupe participe à une vingtaine de concerts en France et en Europe, et ceci grâce à l'aide aux frais annexes que reçoivent les structures de diffusion qui s'engagent dans la tournée Jazz Migration. Et c'est dans ce cadre que PJ5 a pu enregistrer son nouvel album appelé I Told the Little Bird, donc j'ai dit au petit oiseau, disque qui voit le jour aujourd'hui même sur le label Jazz and People. Alors, un mot sur les musiciens qui entourent Paul Jarret au sein de PJ5. Il y a Léo Pellé au trombone, Maxence Ravelo-Manansoa, j'y suis arrivé, au saxophone ténor, Alexandre Perrault à la contrebasse et Ariel Tessier à la batterie. Alors, il faut préciser que la composition du groupe est inchangée depuis ses débuts, ce qui n'est pas anodin et qui contribue pleinement au sentiment d'unité de ce groupe qui développe une musique dont les couleurs rappelle parfois celle du rock progressif et qui subissent bien sûr l'influence de la combinaison sonore saxophone-trombone, mais aussi de tous les effets que Paul Jarret applique à sa guitare. Alors, à son sujet, je tenais quand même à dire que Paul Jarret n'est pas ce qu'on appelle un guitar hero, loin de là. Chez lui, le solo n'est pas vraiment une fin en soi, c'est d'abord un agenceur, une sorte de metteur en son qui est doublé, bien sûr, d'un compositeur. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, il s'agit d'un vrai groupe et qui est enrichi pour l'occasion par les claviers assez atmosphériques du grand belge Joseph Dumoulin et par le chant d'Isabelle Sörling. Alors, la présence de cette dernière n'est pas vraiment un hasard, elle figurait déjà d'ailleurs au générique de Trees, le précédent disque, et sa nationalité suédoise renvoie directement aux origines familiales de Paul Jarret, pour partie elle-même suédoise. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, mais c'est quand même intéressant de le savoir. I Told the Little Bird, donc, ce nouveau disque, qui est une nouvelle réussite de PJ5, qui est vraiment l'affirmation d'une personnalité très singulière, celle d'un groupe pour qui l'appellation jazz est certainement un peu restrictive, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Voilà, alors on va partir à la découverte de ce nouveau disque avec Response for Elaine, qui met en évidence non seulement toutes les qualités de PJ5, mais qui accorde une large place au chant d'Isabelle Sörling. C'est parti! Thank you. Après la belle musique de Paul Jarret et son PJ5, en voici une autre, tout aussi belle, mais alors dans un plus grand format cette fois. Je veux parler d'une bande de Lorrain dont le nom est connu depuis quelques années déjà, Azéotrope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une encyclopédie en ligne bien connue nous rappelle qu'un mélange azéotrope ou azéotropique, je cite, « boue à température fixe en gardant une composition fixe. Il présente pour une composition particulière une phase vapeur » ayant la même composition que la phase liquide avec laquelle elle est en équilibre. Voilà, bon, si vous n'avez pas compris, c'est pas trop grave. Cette définition va comme un gant à cet orchestre qui est emmené par le pianiste-compositeur passé par le classique, le rock, le jazz-rock, la musique contemporaine et le jazz, bien sûr, Loris Binot. Et on retrouve au sein d'Azéotrope des personnalités bien connues, des Lorrains en particulier, mais pas seulement, notamment tous ceux d'entre vous qui aiment plus que tout la fusion des styles, le travail sur les textures et l'expérimentation sonore, parfois jusque dans sa dimension bruitiste. Alors je vais citer les musiciens. Antoine Arlot au saxophone alto, Louis-Michel Marion à la contrebasse, Christophe Castel au saxophone ténor, Joseph Ramacci à la trompette et au bugle, Michel Deltruc à la batterie, Annabelle Dodan à l'alto, Madeleine Lefebvre au violon, Denis Jarosinski à la guitare et Émilie Skrigel à l'accordéon. Alors, dans Azéotrope, on trouve énormément de choses. La vibration des cordes, le souffle des anges, des cuivres et de l'accordéon, de grands espaces qui sont aussi esquissés par les claviers et bien sûr des improvisations. Et ce qui est intéressant, c'est que les solistes disposent de beaucoup de place, le temps d'un solo assez fiévreux. Alors, ça concerne tout le monde, hein, les saxophones, la trompette, les claviers de Loris Binot, la guitare, l'accordéon. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que l'histoire de Loris Binot est parfaitement incluse dans les 5 compositions qu'il a déposées, pour ainsi dire, dans la corbeille d'Azéotrope. Alors, le disque est dédié à Dominique Repeco, disparu en 2016. Il était le directeur du CCAM de Vendeuvre-lès-Nancy, sur le label duquel le disque est publié. Alors, on va écouter, pour conclure ce numéro de Jazz Time, une composition intitulée Pericoloso, Azéotrope. Et voilà, c'est presque fini derrière moi la belle musique des Lorrains d'Azéotrope et leur disque éponyme qui vient de voir le jour chez CCAM Éditions. Merci à Yann qui m'assistait aujourd'hui en technique. La semaine prochaine, vous retrouverez Gérard fidèle au poste. Quant à moi, je reviendrai très vite à ses côtés. Ce sera, je pense, pour la fin du mois de novembre. Et d'ici là, portez-vous bien, écoutez beaucoup de musique, lisez plein de livres, regardez des films, bref, soyez curieux de tout et n'hésitez pas à partager vos coups de cœur autour de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.